Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. C'est l'émission rap de référence. Skyrock. 20h-21h. Ladies and gentlemen. Ce soir, c'est Planet Rap Niro sur Skyrock. Et c'est parti, une nouvelle semaine. Bienvenue à vous tous dans ce Planet Rap. Avant d'attaquer, je vais quand même saluer Niro qui est là dans le studio. Niro, juste avant d'attaquer ton Planet Rap, je voulais quand même avoir une pensée émue pour Siyastai qui nous a quitté aujourd'hui. Ouais, paix à son âme, Allah irahmou. Le DJ des Psy 4. Il a tourné un peu avec DJ Moscou et DJ Rockja à l'époque. Allah irahmou, que la paix soit avec lui et sa famille. Force à sa famille, Inch'Allah. Pas beaucoup de mots à part voilà. Moscou, en Moscou effet. C'est Moscou, Moscou qui est plus apte à parler de lui en fait. Okay. Voilà. Moscou, tu veux peut-être dire quelque chose, mais c'est vrai qu'il y a tout le monde, pas vraiment de mots à part avoir du soutien pour sa famille, pour les psychiatres, pour ses proches évidemment, et se dire que 37 piges pour partir, c'est beaucoup beaucoup trop tôt, voilà. Exactement, paix à son âme, hein, et force à toute sa famille, à son équipe, et voilà, on est ensemble avec vous. Et bon, on pense à vous, on pense très très fort à vous, et on va quand même débuter ce Planet Rap avec Niro. L'album arrive en fin de semaine, Niro. Ouais frérot, bah écoute, hein, c'est un peu dommage de commencer l'émission comme ça, mais ouais, t'as vu, paix à tous nos disparus aussi, parce qu'on en a perdu beaucoup ces dernières années, tu vois. Donc paix à tous les frères qui sont morts de Blois, de Marseille, de Paname, de un peu partout. Paix à nos familles, voilà. Que la paix soit avec nous, Inch'Allah. Donc oui, l'album sort le 6 novembre. C'est vendredi. On est là, vendredi prochain. Non, vendredi prochain. En fait, là, c'est en décalé. Le Planet Rap, il est en décalé. Vu qu'on devait sortir un peu plus tôt, on a décalé la date d'une semaine. Donc le Planet Rap, il n'a pas bougé. Donc voilà. Ça bouge pas. Ça bouge pas du tout. Mais ça sort bien le 6 novembre. Inch'Allah. En précommande dès maintenant, d'ailleurs. Si je me souviens, ouais, ça fait depuis deux semaines, une dizaine de jours qu'il est en précommande. Allez le chercher, c'est du lourd. Comme d'habitude, du rap avec sincérité, avec le cœur. Ça bouge pas, on trahit personne. Force à vous et force à ceux qui l'ont précommandé, à ceux qui l'achètent. Et bon, on va pouvoir le découvrir maintenant, cet album, et toute la semaine entre 20h et 21h. On va se plonger directement dedans, le medley de cet album. Le medley de cet album. Et ben on y va, c'est ce que vous allez pouvoir retrouver dès le 6 novembre dans les magasins. Fred Musa, il a pris du poids quand même un peu, je tenais à le dire. Fred Musa, il a changé. Ah ouais. Ce tag d'un seul coup. Ah ouais, c'est quand j'étais obligé de t'attaquer. Bah pas toi. Oh ouais. Non, pas moi ça toujours. Hein. Ah ouais. Prendre des lovés et faire un enfant, ça m'a pas rendu obèse. Merde. T'as pas fait une couvade. Non, jamais. Même le ventre, il a pas bougé. Allez, on écoute ce qui vous attend le 6 novembre dans les bacs. Si je me souviens, l'album de Niro, c'est parti. Planet Rap. Je me rappelle ces journées pétées quand on coursait les cups à Kennedy Dédé. Ça les arrangeait qu'on les frappe en plein été. Ils ont profité pour garder des gens d'ITT. Quelque part où aller rêver. Si je me souviens, si nous voulons. J'ai à faire direct, on s'y mettait. Je vendais leur conso, y'avait pas de sous-métier. Que le bitume et leur tête de consommer. Planet Rap. On voit les couilles de faire les gros titres. Planet Rap. Le sinobot, si je me souviens, très court, de mauvaise humeur négative. Je suis dans la salle. 9-4 Bello. Bah ouais, mon ami. C'est méga vache, j'avoue. Sinobot dans les bacs. C'est méga vache. Street lourd. Oh, méga va. Planet Rap. Je suis un beau sac, je chante, qu'est-ce qui t'arrive? Tu parles d'aller tirer sur les gens, qu'est-ce qui t'arrive? Pour être calibré sur les gens, qu'est-ce qui t'arrive? On s'en bat les couilles de ta légende, qu'est-ce qui t'arrive? Planet Rap. Wesh un courant, une spéciale pour chacun. Et un peu à tous les frères au carplan. Wesh un mouzak. Quand ton daron, t'as perdu le passos. Ils ont failli ta confiance, tu peux en vouloir qu'à toi. Mais t'es naïf. Planet Rap. Des fois je me pose des questions. tomber tout ce que le ciel est mal aimé. Quelle est la différence entre cérébro-arraché et l'anonymat? Si nouveau, Planet Rap. C'est que les préliminaires. Je me baisse à la moindre au cœur. On commencera par des délimineurs. On finira en soir un gros cœur. Bientôt je me parle de la vie. Bébé, j'ai posé mon préavis. Y'a que des enfants de pute dans mon manque de baisse, ouais, ouais, je vous baise la vie. Je vous baise la vie. Planet Rap. Attends de minuit. Monsieur No, chapeau. Ah yeah, mon ami. Pour les malins. 3 millions de frères, familles nombreuses, ils font les malins. Hey, si nouveau. Si je me souviens, que des mauvaises nouvelles. Que des mauvaises nouvelles. Que des mauvaises nouvelles. De mauvaises nouvelles. Planet Rap. Moi joue pas les pâles. Y'a des vrais rats qui ont les yeux sur ton pile. C'est nouveau. Adiara. Tu vas tomber comme tout le monde si la bastos te pénètre. Planet Rap. Planet Rap. Niro. Ouh là là là ça sort le 6 novembre, c'est le medley. Ah, ça sent le roussi, mon vieux. Voilà ce qui vous attend à partir du 6 novembre dans les bacs. Petit aperçu, ouais. Petit aperçu de cet album. Ah, petit aperçu, c'est un gros aperçu, je trouve même. Ah oui, tu trouves? Bah écoute, tant mieux. Ouais, d'ailleurs, n'hésitez pas à envoyer vos messages pour qu'on voit un peu ce que vous en pensez. L'album de Niro, ça va être un attentat palala. C'est un message qui arrive à l'instant. Niro, bien, il va tout niquer. Ouais, ils savent ça aussi, ils savent très bien. Comme d'habitude. Force à tous ceux qui envoient des messages. Voilà, je vous vois, force à vous. Merci beaucoup pour tout ça. Le boss. On nous envoie Niro, ah le boss. Ouais, mais ça, il n'y a que mes gars qui le savent. Il n'y a que mon public qui le sait, malheureusement. On verra dans les bacs, Inch'Allah. Hashtag Niro sur Skyrock pour agir à l'émission. J'ai l'impression que c'est la même équipe. La même équipe, ça n'a pas bougé, Niro. Ça n'a pas bougé. Je suis avec Teddy Corona. Teddy Corona. Yeah, yeah, yeah. Avec DJ Mosco. DJ Mosco, Mr. Flo. Si on est là, la famille. Mr. Flo qui est dans le coin. Ah ouais. Donc l'équipe Street Lourd. Ça bouge pas. On est toujours là, ça bouge pas du tout. Depuis le dernier projet, Niro, qu'est-ce qui s'est passé? Donc beaucoup d'enregistrements, quelques dates aussi. Ouais, j'ai fait une tournée après l'album. Après j'ai eu, t'as vu, j'ai un peu pensé, juste après la tournée, deux jours après j'ai eu un garçon, voilà. Machallah, ça y va. Bah, félicitations. Donc t'as vu, j'apprends à être papa depuis quelques mois, et voilà. Alors est-ce que j'ai enregistré un peu mon album? J'ai d'abord profité un peu de mon fils, après j'ai enregistré l'album. Est-ce que t'as l'impression que ça a changé quelque chose? Ah, frangin, ça change toute une vie, un enfant, hein, je veux pas te mentir. Après t'as vu, ça fait un peu cliché de dire ça, tu vois, mais pour de bon, ça change une vie, ouais. Ça te rend plus doux et ça te rend plus sérieux, on va dire. Même sur l'écriture? Ouais, même un peu sur l'écriture. Après, je te mens pas, moi. T'as vu, ça reste dans mon créneau. J'aime tout ce qui est sale, etc. Et que c'est pas parce que voilà, j'ai un enfant que ça va changer. Mais en même temps, tu peux peut-être pas lui faire écouter tout de suite à un an tous les morceaux de l'album. Non, je sais pas, mais déjà, je lui fais découvrir je lui fais découvrir la base, les sons des années 90, N.W.L. Ah déjà, tu es déjà. Ah, il est à fond dedans. Ah déjà. Il est à fond dedans. Et on regarde avec ses quatre chicots, il est là à fond dedans. Il se dit merde, putain. Non, il est bien, il est dedans. Il kiffe. Et en tout cas, ça fait grave plaisir, voilà, un petit peu de maturité et puis un petit peu d'amour sincère, une fois, tu vois. C'est vraiment de l'amour sincère et c'est ça fait plaisir. Bon, voilà. C'est quelque chose à vivre, c'est quelque chose à découvrir. Et tous les fous là qui me disaient avant, ouais, tu verras quand t'auras un enfant, je me disais, c'est un peu cliché, tu vois, mais en vrai, je sais pas. En vrai, là, il te manque, t'as envie de le retrouver. Ah, gros, ben là, il m'entend, là. Didi, oh, regarde-moi. Attention, j'arrive, papa. Papa est là, en tout cas. Il représente, il a la force, papa. Il a les épaules, on est là, t'inquiète pas. Et puis, il y a un autre bébé qui arrive, c'est le 6 novembre. C'est l'album, si je me souviens. Bah, j'ai un autre bébé le 6 novembre et j'ai un autre garçon qui arrive aussi. Inch'Allah, dans à peine 2 mois, là. Ah oui! Ah ouais, on rigole pas, nous. Ah, toi, tu veux. À partir du moment où la machine est en route, c'est. Tout à fait, monsieur, oui. Mais tu connais le proverbe, après, c'est jamais 203. Donc, ouais, bah ouais, Inch'Allah, j'espère avoir. Déjà que celui-là, il soit en bonne santé, Inch'Allah, il arrive là, Inch'Allah, au mois de janvier, donc voilà. Ah, force. Bah écoute, plein de bonnes choses, tant mieux. Force à nous. Plein de force, voilà. Et force à ma femme qui est là, qui m'écoute et qui a les épaules. Qui et on supporte. Laisse. Salut. Parce que ça ne doit pas être tout le temps évident, ah ouais, forcément. C'est pas évident, surtout d'être avec moi, c'est très bien. Je disais pas ça. Mais Ah non, si, c'est bien ça, voilà, c'est bien ça. C'est dur à vivre, mais alhamdoulilah, ma femme, elle sait qu'on est des vrais, que ça bouge pas, on a les épaules. Donc force à toi, ma femme. Et allez, on débute avec un morceau extrait de ce projet, si je me souviens, c'est le 6 novembre. Roulez. Le ciel est ma limite. Ouais, mon ami, au revoir. Produit par Kujo et Iso, secteur A, à la guitare. Le clip c'est Nicolas Noël. Roulez le 6 novembre. Si je des me souviens. Fois, je me pose des questions. Benny, est-ce que le ciel est ma limite? Roulez. Encore un de mes potos qui a fait une dinguerie. Mon père est plus des flingues. Toujours les mêmes histoires. Fierté et conflit d'intérêt. Ils veulent savoir ce qui se passe sous mon béret et combien de sous j'ai récupéré. J'ai tellement galéré, du mal à me tempérer, mais t'inquiète, j'ai serré. Pointé du doigt depuis petit peu, c'est nous les enfants terrés. On fait connaissance avec la faucheuse de 50 sur le péré. Surveille les intempéries, cousine c'est pas la mairie. J'vais m'enchaîner, ça suffit, j'me marie pas la mairie. Si comme nous t'es issu de la servie, tu seras jamais mon ennemi. J'ai taffé de moi dans ma vie, si jamais touché les rémunes. Des fois j'me pose des questions, mais qu'est-ce que le ciel est pas arrivé. Quelle est la différence entre ça et vous arracher une analymie, hein? J'ai besoin d'un analyse, j'ai besoin d'un alibi. J'calcule pas ce qui nous ralentit. Pourtant j'ai besoin d'un alibi. Pourtant j'ai besoin d'un alibi. Casser les portes de la réussite. Ma voix, il faut que je fasse mes feux. Que le ciel en fin de nuit, j'écris jusqu'à l'aube. La concurrence n'a pas fait son deuil. Genre d'un cauchemar, je me lève dans un autre. L'impression que je passe à la saison 2. Accompagné, même si je baille seul, je suis de ceux qui se taisent pour faire parler d'eux. Que des enfants de la dalle, pareil, s'il y a pas de l'OV, je deviens pareil, c'est vrai, ouais, mon ami. Cavalé après les miennes, pour toi ça m'a pris la terre. Les anciens ont pris les pépettes, on arrive après la fête. J'ai appris en grandissant alors. Ouais, ouais, si je me souviens, le 6 novembre. C'est bien tigeant, mes salopes. J'arrêterai pas d'en faire. Bien tous les chèques qui nous écoutent. Bien Chacal, mon frérot, on t'entend. Les beaux maîtres, Marseille. Ouais, ouais. Le soir à fond dans la gomba. Je me brûle les doigts avec le cul de la vie. Je me brûle les doigts avec mes lombards au collège au lycée. Mauvais élève, celui qu'on surveille. Une arme blanche cachée dans mon survêt. Toujours prêt à faire de putain de trucs. 6 novembre. J'ai besoin d'un analyse. J'ai besoin d'un alibi. Je calcule pas ce qui nous ralentit. Pourtant j'ai besoin d'aller vivre. Pourtant j'ai besoin d'aller vivre. Casser les portes de la réussite. Ma voix est faite. Et à tous ceux qui nous envoient des messages, force à vous. Le ciel est ma limite. Je vais laisser les mains limites. J'ai besoin d'un aller vivre. Je calcule pas ce qui nous ralentit. Pourtant j'ai besoin d'aller vivre. Casser les portes de la réussite. Ma voix est faite. Si je m'en souviens, le 6 novembre, Bello, Kawaro Abou. A tous les frérots, la chine de guerre. Sale enfoiré, rappelle-moi, je t'entends d'ici. Ouais. A la Jim Niro, on vous oublie pas, ne vous inquiétez pas. Ah, t'as vu, mon ami. Ah, ça joue, hein, ça gratte, hein. Oh, force à toi, Iso du, Iso, ouais. Iso du secteur A, frérot. Bah, ça, c'est une guitare légendaire, c'est une basse, c'est un bassiste légendaire, ouais, aussi. C'est hein, un bassiste légendaire, on a fait appel à lui bah, pour pas faire comme les autres, justement, et ça fait grave plaisir. En plus, c'est un poteau de Londac, donc. Voilà, c'est un vrai mec. Voilà. Il est venu, il a joué le truc. Donc voilà, ça fait plaisir. Et, au niveau et des... écoute, Joe, au niveau ouais, de la disais, ouais, au niveau des prods, justement, il y a des nouveaux producteurs aussi autour de ouais, ce projet, ouais, beaucoup. Ouais, ouais, ouais, j'ai fait appel au meilleur déjà dans un premier temps. T'as vu, Will Star, Therapy. Chapeau. Hop, j'ai aussi appelé. Après, il y a des nouveaux. Il y a Ops, il y a 4093 de Rhinome Music. Il y a Genius. Il y a, j'ai dit, Therapy, Will Star. Il y a qui bon, en même temps, il y en a d'autres toute la semaine aussi. Souleyman Beat aussi, force à lui qui nous a envoyé des sons aussi. Et puis voilà, force à tous les beatmakers, continuez à envoyer des sons. À Street Fab, à tous les mecs. On est là, on réceptionne, il y a foi et force à vous. Le ciel est ma limite, c'est le morceau qu'on écoutait à l'instant. C'est extrait du projet qui sort le 6 novembre. Tiens, il faut que je te confie le portable. Ok, très bien. Tu es au courant? Non, je suis pas au courant, c'est quoi l'affaire? Eh ben, ce portable va demain en main depuis le début de la nouvelle saison de Planète Rap. Ok, ça il a commencé au mois d'août, c'était les Gims qui l'avaient. La semaine dernière, c'était nos invités de la semaine dernière qui avaient ce portable. Je sais pas qu'il l'a eu ou pas. Non, il l'a pas eu. Malheureusement, en 96, il n'y avait pas de réseau. C'était un peu... Et donc, c'est quoi l'affaire? Je dois répondre là? Quand tu veux, tu réponds en fait. Le principe, c'est qu'il y a un numéro de téléphone pour joindre Niro en direct. Ok, ça 06 71 74 84. Ah, allô, vas-y, il faut mettre le haut-parleur par contre. Pour qu'on en profite tous un petit peu. Allô la terre, ça va, haut-parleur? Ah bah oui, qu'on en profite un peu quand même. Allô, salam alaikum. Bah écoute, salam frère, bien ou quoi, tranquille, ça passe? Alhamdoulilah mon frère, tu nous appelles d'où? Ah Allô, allô. Ah, a priori, allô, il y a allô, du monde allô, avec allô, allô, allô, allô. Ouais, frérot, c'est moi, Ecom. Ouais, je t'appelle du placard, là, rifle, Ecom. Ouais, rifle. Force à tous les frères, rifle, voilà, D3, D4, force à vous. A priori, il y a donc des lignes téléphoniques qui ont été installées. Il faut assumer ses bêtises. Force à vous, les frères, force à vous, les frères, gardez la santé, voilà, que de la puissance pour vous, Inch'Allah. Voilà, force à tous les frères au placard d'ailleurs, tout, dans toute la France, force à vous, lâchez rien. Inch'Allah, la sortie c'est sûr, voilà. Et à vos familles. Tiens, mais bien. Ouais, dis-moi, dis-moi. Proche du micro, Niron. Ouais. Dis-nous. Dédicace à qui ? 91, Tartezou. Oh, les Tartezou, force à moi. Ah, force à moi, des Tartezou qui est au placard, qui m'écoute, moi. Allons direct de Lyon, force à toi, frérot. Force à tous les frères du Tartezou, frérot. Vas-y, vas-y, bien vu. Salam alaikum, mon frère. Portez-vous bien. Frère, Inch'Allah, salam alaikum. Et bien voilà, donc c'est ta ligne directe. Voilà, mais pourquoi moi, c'est toujours des mecs en prison qui. Mais je sais. Attends, je sais pas. C'est comme ça, on n'est pour rien. Ça te suit depuis la mafia. Et ça sera toujours comme ça, mon frère. Il va lui répondre à lui, tiens. 06 71 74 84 15, vous décrochez quand vous voulez, hein. On n'est pas obligé non plus de passer la soirée à décrocher le portable. Allô. Vas-y, Mosco. Lui, c'est qui? Allô, allô. Il a dit c'est qui comme s'il lui donnait. C'est qui, ça va? Bon, ah bah, okay, non, ça n'a pas plu, ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu que ce soit Mosco, voilà. Désolé, Niro. Ça n'a pas plu, on dirait. Mosco, on dirait, il n'a pas trop la cote. Par contre, il a une cote, Mosco, c'est qu'il va nous envoyer un son maintenant. Exactement. Donc, c'est quoi ce morceau? Il s'appelle Good 4. Good 4, voilà qu'on a envoyé. Good 4. Pourquoi Good 4? Non, pas Good 4, ça c'est faux. Good 4. Good 4. Good 4. Good 4. Good 4 qui est tiré d'un film qui s'appelle Lucky Numbers Levin. Voilà, avec Morgan Freeman, Bruce Lee, etc. Good Cat. Good Cat. Sur l'antenne de Skyrock. Voilà, Good Cat. Et pardon. Force à Samina Seri qui nous a donné de la pêche pour le clip. Force à Maclouf. Force à tous ceux qui ont participé. Voilà. Voilà, et ça, c'est un son qui n'est pas dans l'album. Oui, c'est ça, il n'est pas dans l'album. Il était revenu avec. Mais on l'a pas mis dans l'album. C'est un genre de hors série. En fait. Voilà, un petit hors série comme ça. Voilà. Ça te va mieux quand même, le poids, un peu. tu vas bloquer là-dessus? Tu vois, je vais bloquer. Tu veux que je débute White Shore pendant toute la semaine? On fait un point vendredi ou pas? Attention, sinon je réponds. Tu réponds quand tu veux, alors écoute le morceau Good Cat. Force à vous. Niro, Good Cat, on est là, ça ne bouge pas. Suleiman Beat. Et 41759 pour s'inscrire. Faire tourner la roue. Good Cat? Oui, c'est ce que disent les drogués. Ah oui? Et comment ça se fait? Oh, c'est sûrement pas un hasard si Good Cat est en ville. C'est qui ce Good Cat? L'élite des tueurs. C'est le meilleur. Il débarque, il y a des morts, et il disparaît. Personne ne sait à quoi il ressemble. Je veux un rapport sur ce petit enfoiré. Je veux tout de A à Z. Je veux savoir qui c'est, qui il connaît et qui le connaît. Est-ce qu'on sait lui? Je veux savoir ce que ce merdeux est venu faire dans ma vie. Passer un démarrage, je disparais, si novembre, si je me souviens, Suleiman Beat, hein. Je vois l'Afrique manger à sa faim, que sa richesse profite à chacun. Mais voilà, aujourd'hui j'y crois plus, comme la reformation de la mafia quelqu'un. Tu veux savoir un truc essentiel, l'argent et le respect font que hein. C'est pas parce qu'on est personne qu'on doit respecter ceux qui se prennent pour quelqu'un. J'ai tout essayé, leur donner de la haine. Tout ce que j'ai pu faire, Berzin, calibré en hiver à de les pieds congelés dans la super 5 Zesson. Y'a bien longtemps que ça nous fait plus vendre. Y'a bien longtemps qu'on t'a appréhendé. On a fait le charlatan et paix à nos morts, paix à nos mères qui nous soutiennent même chez les condés. De toute façon y'a rien de fondé. Je dormais bien profondément foncé. On charbonne des gens bien des sommes pour faire des revenus des sommes. Les hommes sont devenus des meufs. Les meufs sont devenus des hommes. Père m'étonne dans cette vie par. Ils ont tous un masque comme Jim Carrey. J'suis comme Good Cat, sale enfoiré. J'passais à des morts et j'disparais. C'est les mains tous, on a sans rien fait tout dans la souffrance. Avec des paroles, on rembourse pas tout ce que la nous prend. Ni les années de galère de nos darons. On a pas les mêmes problèmes, ma gueule. Donc des histoires d'Europe, on s'en passera. Conflons ta vie de voyou, inventé de toutes pièces, on s'en lassera. En premier lieu, y'a la famille. Juste après ça, y'a la vie. Y'a mes amis, y'a mes amis. Et au-dessus de tout ça, y'a la pluie. Y'a un roulé, 6 novembre. J'suis comme Good Cat, sale enfoiré. J'passe à des morts et j'disparais. Ouais. J'suis comme Antoine Goudcap, ça l'enfoiré. Je pense qu'il y a des mailles qui se parlent. Si je m'en sors, je serai privilégié. Parce que de cette vie, je me sentais piégé. Ma conscience peut dormir tranquille, mais gros, ma haine a le sommeil léger. Faut que je me casse, que je m'arrache d'ici. Mes roses ne cessent de faner. Donne-moi la combinaison du coffre, on va la rapper dans quelques années. Viens, BLO, tu seras bien bizarre, BLO. C'est la boucle de l'univers. Kennedy, Dédé, Loupé. Ouais, ça perd du nord, un peu coureur. Très très loin du système solaire. Je gagne ma vie que les éducateurs, les psychologues et les professeurs qui m'ont vu en élite scolaire. On est plus dur à contrôler. Ils arrêtent pas de se branler sur nous. Là c'est plus dur à comprendre. C'est du pardon, ouais salope, t'es mordé pour nous. Fais pas le fou quand tu marches avec nous. J'en ai un une deuxième paire de couilles, sale fils de pute. J'suis pas un peu loup. J'démarre un peu doux comme l'année pour te des oeufs. Ah, des fois qu'on galope, elles sont même dans la chute. Chelou, ceux qui m'aiment pas, c'est chelou, c'est la même pour ma Zoulou. Bang bang dans tes genoux. On les paie. Pourvu que la concurrence repose en paix. Quand c'est la sécheresse, le caractère est trempé. On veut des traits sur le bord de la route. J'attends pas que tu m'aimes. Non, non, non, non, poto, j'attends pas que tu m'aimes. Non, non, non, non, poto, j'attends pas que tu m'aimes. Non, non, non, non, poto, j'attends pas que tu m'aimes. Le Sinovo. Triple. Lule. Mais jamais d'œil. Je suis pas là, c'est qu'il y a mieux ailleurs. À l'instant, Niro, donc ce morceau qui est un titre inédit que t'as balancé il y a quelques mois déjà. Super énervé, super super énervé. Good 4. Force à tous ceux qui m'envoient des messages hein, depuis. Alors je vois, grosse force à vous, là vous faites plaisir la famille. C'est vous les boss. Allez, on continue à balancer des messages avec le hashtag Niro sur Skyrock de retour, si je me souviens. Ouais. Est-ce qu'il a été dur à faire cet album Niro par rapport au précédent projet? En fait, c'est l'album, je pense, sur lequel je me suis le plus fait plaisir. Non, il y a rééducation aussi, franchement, je m'étais fait plaisir, je te mens pas, mais celui-là, c'est vraiment, je me suis lâché, je me suis pas mis de pression, t'as vu. C'était une nouvelle étape aussi, parce que c'est vrai qu'il y avait il y avait des projets qui suivaient. Ouais, c'est sûr, j'ai sorti une trilogie, ce qui, je pense, n'a jamais été fait dans le rap, dans ce cadre-là, tu vois. Fallait passer à autre chose, fallait trouver un concept, fallait changer de style, de délire, et donc voilà, j'essaie de m'améliorer, t'as vu. Donc est-ce qu'il y aura aussi une trilogie? Est-ce qu'on aura Je me suis souvenu, ou Je me souviendrai? Non, je sais pas. Je m'en souviendrai. Ça ouf, rappelle-toi, bébé. Rappelle-toi, je m'en souviens. Non, je sais pas, non, ça y est, c'est fini. Ça, c'est fini. Non, après, t'as vu, si je trouve un autre concept, ça c'était le bienvenu, et puis c'était plutôt bien pensé, je trouve, tu vois. D'ailleurs, la preuve, on est là, hein, tu vois. Il était en forme de fou, aucune pression, il est zéro pression, détendu. Voilà. Détendu, t'as vu, je suis père de famille, je suis déterminé, frérot. Tu peux pas, tu peux me ramener n'importe quel homme déterminé sur terre, s'il a pas d'enfant, il sera pas aussi déter, je te le dis, frérot. Donc toi là, t'es motivé comme jamais, et puis surtout, j'ai un bête de public, mon frère, qui est derrière, qui suit, je tourne, ils sont là, voilà, on me réclamait, ça faisait pas mal de temps déjà que j'étais pas là, ça faisait peut-être un an et quelques que j'étais pas là. Et là, c'est la première fois que je sors en hiver, tu vois. Donc, t'as écouté d'ailleurs beaucoup de projets de rap français qui sont sortis sur ces périodes-là, franchement, j'écoute pas les albums entièrement, je vais pas te mentir, tu vois. Après, t'as vu, j'écoute, je survole comme j'ai toujours fait, t'as vu, je survole un peu ce qui se fait, et je trouve qu'il y a une bonne dynamique en ce moment. Donc ça fait plaisir, voilà. Il y a des mecs, le rap ça vend, le rap c'est la musique numéro 1 en France, qu'ils le veuillent ou pas, donc voilà, on est là, ça bougera pas. Donc force à tous les rappeurs qui essayent de s'en sortir, sans sucer personne bien évidemment, et puis voilà, on est là. D'ailleurs, dans un instant, on reviendra avec un extrait du projet de Niro, si je me souviens, un morceau qui ouvre l'album d'ailleurs, Sortez couvert. Ouais, Sortez couvert, mais tu vois pas, on répond à un charlatan là, vite fait. Je vois que ça t'amuse, ta ligne directe pour ce Niro. La ligne directe, elle m'amuse. Allo, 0671. Allo. Ouais, toi aussi t'es en prison, frérot, ou ça va, t'es dehors? Alhamdoulilah, t'es dehors, salam alaikum. Ouais, bah t'as vu, on te répond vite fait, puisqu'on n'a pas trop le temps, mais c'était un truc à dire, dédicace, vas-y, on voit, frérot. Ah, tu peux tout refaire. Ah, force à vous, tu m'appelles d'où là? Grenoble. Grenoble, Mistral, Fontaine, Villeneuve. Ah ouais, gros. Force à Jeff, force à toutes les. Force à Bichoco. Force à, ouais, à Swillax, Swill. On fait, est là. En fait, Niro, tu l'appelles pour les dédicaces, c'est lui qu'on fait. Ouais, bah frère, je connais du monde partout. Toutes les villes de France. Ah ouais, dans toutes les villes de France. Et ailleurs aussi. On a des mecs de La Réunion qui sont là, force à eux aussi. Timat, il est là, CJ. Ouais, force à toi, moi, merci mon frère. Si t'as des dédicaces, vas-y, lâche-toi, frérot. T'as dit quoi? T'as dit quoi, frérot? Allô. Bah, il est parti en fait, je crois. Il est parti. Ah, bah, 06 71 74 94 15, vas-y. J'en profite, je fais une petite dédicace là, il y a mon poteau Get qui vient de m'envoyer. La guette. Tous les mecs du bois là, B, là, hier. Rachid, tout le monde, force à vous. Et ne bougez pas dans un instant, on revient, on mettra sortie couverte. Il y a le nouveau son site Gradure qui vient d'arriver à l'instant, donc on va le balancer juste après la pub pour le découvrir. Vous pourrez réagir, bougez pas, on revient. Ouais, force à Durgras, mon ami. Nouveau titre de Gradure, donc à l'instant, je m'en vais. L'album lui sortira fin novembre, nouveau projet au mixtape chez Guevara 2. Respect, c'est un frérot, la force à toi, mon ref. Et d'ici là, Yaniro, c'est le 6 novembre, ça arrive, c'est la semaine prochaine. Toujours en précommande cet album. Inch'Allah, précommande, Inch'Allah, le 6 novembre, si je me souviens. L'un de mes meilleurs albums, je suis fier de vous le présenter. En même temps, plaisir. C'est un peu logique de dire le. Non, pas forcément, parce que j'aurais pu te dire, il est bien, mais franchement. Non, tu n'aurais pas pu me dire ça. Ouais, peut-être que si, hein. Avec sincérité. Mais franchement, pour moi, pour de vrai, je considère que c'est l'un de mes meilleurs albums. C'est l'un des plus aboutis. Il y en a pour tout le monde. Et voilà. Une spéciale à Tariq et Budge des Oliviers. Force à toi, t'es en rééducation. Force à toi, frérot. Et voilà. J'ai un million de dédicaces à faire à chaque fois. Bah, on a toute la semaine. Et bien sûr. Si jamais t'oublies quelqu'un, demain. T'es fou, jamais. Pire, même toute la semaine, je crois qu'elle suffira jamais. Voilà. Faudrait que je reste un an sur Skyrock. Ça, c'est possible. H24, force à Mekhaï de La Réunion qui sont là, Chimat. Tiens, j'ai vu des messages aussi arriver en disant est-ce que tu vas repartir aussi en tournée rapidement, Niro? Est-ce qu'il y a des dates aussi? Ouais, Inch'Allah, on va essayer de. Voilà, bientôt, Inch'Allah, on est où? On est en Suisse, on est au WAF, je crois. Il y a quelques dates, on va les annoncer demain. Inch'Allah, on va essayer d'annoncer sur les réseaux, etc. Voilà, essayer de suivre. Et je voudrais. Viens, frérot Barjo, je voudrais vous présenter un frérot que vous connaissez déjà en vrai, Zesso, qui est là, qui sort son album le 6 novembre aussi, pareil. Donc voilà, force à lui, je vais le laisser vous présenter. Ouais. Également, 6 novembre. Zesso, c'est un mec depuis avant le rap, on se connaît, t'as vu, depuis avant que je sorte des albums, c'est un frérot, il est là, ça bouge pas, ça a toujours été un brave vaillant et j'ai toujours dit, il a pas ce qu'il mérite, donc voilà, aujourd'hui il est là, c'est le frérot, force à lui, il revient, il est en forme, il fait du sport, il va vous casser des bouches, c'est vrai. Lui, il fait du sport au moins, c'est bien. Attention. Je vais peut-être de lui demander un training particulier. Peut-être, ouais, mais t'inquiète pas, nous on tient la forme, pas besoin de faire du sport. Bon, ça va, Zesso? Ouais, ça va, toi, frère. Donc, toi aussi, 6 novembre? 6 novembre, ouais, pareil. Ça va s'appeler? 2000 c'est une année. C'est une année, elle n'existe pas. Il y a que Zo qui la connaît. C'est mon monde, c'est mon année. Donc c'est le 6 novembre. Inch'Allah, donc, je suis il y a deux présent, choses à faire, c'est prendre. Présent, ouais, et voilà. T'es présent dessus. Si je me souviens, ceux qui vont aller acheter, si je me souviens, acheter l'album de mon frère Zesso, wallah, il mérite, c'est un vrai bonhomme, un vrai star de famille avec plein de principes. On est là pour et ça. Voilà, on est dedans, on est dans l'album Zesso aussi, voilà. Donc tous ceux qui me donnent de la force à moi, t'as vu. Il y a un morceau avec le frère Niro qui s'appelle Premier Ballon et qui bizarrement t'as vu, je l'ai fait avec Zesso, je savais même pas que j'allais avoir un garçon, tu vois, il s'appelle Premier Ballon. Et donc c'est titre un morceau prémonitoire. C'est un titre prémonitoire, c'est réel mon frère, parce que t'as vu, comme beaucoup de gens en France, on n'a pas forcément grandi avec nos parents respectifs. Donc voilà, ça c'est un titre qui est pour tous les gars qui ont grandi sans leur père, à qui on n'a pas offert leur premier ballon, et c'est leur mère qui leur a offert le premier ballon, qu'ils ont même peut-être dû le voler carrément. Donc voilà, force à vous. Même c'est la rue qui t'offre ton premier ballon. Et voilà, exactement, c'est la rue. Et dans ce morceau-là, on dit, Inch'Allah, j'offrirai le premier ballon à mon fils. Donc voilà, on a eu, subhanallah, on a eu que des garçons en plus, lui et moi, tu vois. Donc voilà. Et force à ma mère aussi. Force à ma mère et arrêtez de dire ma daronne, parce que ma daronne, c'était les patronnes de Baratin. Je viens d'apprendre ça, là, il n'y a pas longtemps. Donc arrêtez de dire le mot ma daronne. Force à ma mère. C'est ma mère, elle m'a dit. Carrément, c'est ma mère, elle m'a dit, dis ça sur Skyrock. Donc plus utiliser le terme daronne. Ah non, non, la daronne, c'est fini. Bah, dédicace à toutes nos mamans, là. Dédicace à toutes nos mamans et à tous les pères de famille, les vrais, qui ont porté leur couille, qui ont assumé. Voilà, force à vous. Et bah, merci, Zesso. Et Zesso, le 6 novembre, Zesso, le 6 novembre 2000, si je me souviens, tous ceux qui achètent mon album, allez chercher, c'est la famille, ça bouge pas. Force à Zesso, mon frérot. On accueille maintenant par téléphone quelqu'un d'Orly, tiens, 9-4. Baby Style, par téléphone, ça va bien. Et ouais, baby. Ouais, tu vas. Ouais, ouais. Ouais, salam alaikum. Ça va, Baby Style. Où ça, Orly, 2001? Ouais, Orly, Orly Zou. Orly Zou. Force à Orly, à tous les frères d'Orly, choisis Vitry, oui. Bon, toi, tu viens rapper, c'est l'heure du freestyle par téléphone, on t'écoute, c'est parti. Voilà. Oh, yeah. Baby Style. Pas de mani. Oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, aura jamais les clés de la bibimo. Ils se sont comme une machine quand je viens mon hobby. J'ai une table invisible, posée sur mes habits. Quand j'en aurai peu, point, ce soir, je suis de sortie. Et tard dans la city, moi j'opère, ça le sait, tu partonnes Robin. Robin, ça, tu sais que ça, tu t'avoueras jamais que je suis chaud dans mon domaine. Même si tu l'as vu, t'as le courage de prendre mon flow. À croire que sans moi, ils sont perdus. J'ai du diable sur la terre, franc l'amour est dans le blé. Je voulais remonter leur temps, on m'a dit fais s'il te plaît. La planète est nerve, ça vaut à des choses que tu voudrais chromer. Fais les choses bien, tant t'es pas un petit neurone qui l'a cramé. Armés sont les ennemis, car en tous les rêves on baille. Les humains rigolent et moi avec des fourmis à sa taille. Je voulais les aider, les vrais intéressants dans mon CV. Je ne viens sans rien, mais l'un préfère croire en sa CV. J'ai pas attendu le game pour s'exploser. J'ai pas fait sur mon plan comme un exposé. C'est l'ambiance, toute taille, donc t'arrêtes de poser, t'entends pas. Quoi, tu veux causer tes leçons, qui fait voir que t'apprends pas ça. Bon, t'as goûté, là-bas t'as du voir la vie en rose. Mais c'est pas un jeu game over, dose. T'as pas de flow, ton empreinte à OGM. Y'a pas doublure ni dosis, j'ai les nouveautés. Mais rime sera ça, j'ai la bombe que t'as pas. Et ça te rend crazy, nostalgie sous forme de rétragie. Je brosse et je ne viens pas d'avis. J'ai écrasé cette proche, je l'ai tisé. Mais son son pire, c'est une drogue traumatisée. Je suis pas pire des résidents en crise, ouais. Ok, Baby Style, à l'instant, freestyle, merci à toi. Ok, Baby Style, force à toi, merci. Machallah, merci frère. Moi c'est Baby Style, okay. Voilà, artiste du bas demain, Orly, du tout système. Et puis à tous les frères d'Orly. Sur YouTube, sur Facebook. Et puis voilà. Et bah merci à toi. De rien. Ciao, ouais, passe une bonne soirée, Niro avec nous. Frérot. Entre 20 et 21, l'album Si je me souviens. Si je me souviens, ça 6 novembre, le 6 novembre, c'est la date à retenir. La promo, elle est casse-pipe, c'est fait exprès, on fait rien comme les autres. 6 novembre, on voit la sauce, mon sauce. Et si on écoutait Sortez couvert. Ah, ça, c'est pas mal. Ça, c'est un morceau qui est important parce qu'il ouvre l'album, il ouvre le projet. Ouais, ouais, c'est un morceau que t'as balancé aussi il y a quelques. Bah, c'est un morceau super efficace. En fait, c'est l'un des premiers morceaux que j'ai fait sur l'album. Voilà, c'est un morceau que j'affectionne tout particulièrement. Sinon, je l'aurais pas envoyé d'ailleurs. Paix à Mad Max, ça l'enfoiré. Paix à Bibi, à tous les frères du neuf. Sur tous les messages là, on est. On est cuit. Allez, sortez couverts. Niro, sort la couverte. Le 6 novembre. Ouais. Vrai pour de vrai, mon. Vrai pour de vrai. Ah, Mad Max, t'es un gamin. Salopard. Wesh Alungo, trop lourd pour soulager ma peine. Trop lourd, c'est pour ça qu'il m'appelle. J'fais des gars à la pète, même avant d'avoir à la pelle. Pareil d'avant, j'attends ma paye. J'vais clair ou pas, mal à Baba ou Sama. J'vais parler des choses qui vont causer ma paix. Wesh Azaza, j'savais que j'allais enterrer toutes ces leurs peines. Ma caisse va plier au prochain virage. Mon place reçoit à la prochaine enquête. Viens pas me raconter la vie des rappeurs. Et moi, rien ne sait que l'on j'affaut mal à la tête. Qui piquera de ceux qui achètent. Mon ami, c'est 4 sur la maquette. Le sang de nos ennemis est sur la machette. Niro est empoigné sur la plaquette. Le rap est mort quand il s'est fait fumer. Gros, moi j'étais pas là. Depuis tu peux v'là les violences. Big up à la Réunion, 974, Dakar, Saint-Denis, Saint-Pierre. S'agit ton concu, si t'inquiète, t'es malin. Tu veux pas m'alicher, vos niquer leur cache à Francfort au palace. Wesh Ayoussou, les schlecks sont chalas. J'hésite entre les calages ou le format. Tu nous aimes pas, Kounia maman. C'est pas ta mère qui perd à mon palace. Nasser le charlatan, il est là avec sa grosse touffe. Solo pour soulager ma peine. Et mon ami, trop lourd, c'est pour ça qu'il m'appelle. Trop lourd, c'est pour ça qu'il m'appelle. Je me fais faire à la bête, rien avant d'avoir à la bête. Ouais. T'as parler des causes qui vont causer ma paix. Sorti du monde de ma bas, de mon joie, ma chaque fois j'allais en terrain, tout c'est la paix. Sors tes couverts. Mais alors sors tes couverts. 9-15 truc lourd. Sors tes couverts. Violet, wesh, un pépé rose, bramos. Ça bouge pas, on contrôle la zone. Des masques qui sont prêts à faire pour de l'argent. Ouais. Des salopes pour le regard des gens. Il fait des vols, sortez couverts. Juste au cas où faut protéger vos gens. Pour moi, ça roule, ils veulent crever mes pneus. Ils voient rien faire d'autre que rayer mes jambes. J'ai deux, trois frères qui m'en veulent un peu. De pas les laisser affaler tes jambes. Je traînais la nuit, j'avais même pas 10 ans. Je connais les gens, c'est des grands médisants. Je préfère avoir un poteau bête et méchant qu'un poteau trop tigeant, trop intelligent. C'est normal qu'ils soient pas contents, laissez-les parler mal. Ils sont dépassés par le temps. Personne n'est innocent, on soigne le mal par le mal. Réponds, on s'en parle le sang. Un Kadhafi dans la maison. Si passe, tu t'en rappelleras. Ouais, RND. Mais reviens à mes concerts pour voir. Eh, Ronald, sale salopard, moi. Ouais, Bibi. Ouais, je suis Bibzer. Le 0-15 hier, on va baiser la. Ouais. C'est pas ta mère qui fait. Ouais, ma clou. Avec ta grosse tête, on le voit aussi. Ton rap s'est fait fumer, gros, je dis voilà. Bardu. Solo pour soulager ma peine. Trop lourd, c'est pour ça qu'il m'appelle. Ouais, je t'en rappelle, Zoulou. Trop lourd, c'est pour ça qu'il m'appelle. Je reste clair à la bête, bien avant d'avoir à la bête. Dorénavant, j'attends ma paix. Je vais clair au papa, la papa, au sama. Je vais parler des causes qui vont causer ma paix. Sorti du vent de ma bande, dans mon drama. J'avais que j'allais en terre. Merci, Novo. Ouais, sortez couvert. Sortez couvert, allié dans la maison. Street, lourd, chagriné. Quand la rap s'est fait violer, gros, moi j'étais pas là. Ou parle à ton cul si ta tête est malade. Aïe. C'est Niro, notre invité toute la semaine. Sortez couvert. Alors, t'en dis quoi? Ah bah j'avais déjà entendu celui-ci. Ah, je peux te dire que c'est une sacrée baffe dans la gueule, ça, mon petit gars. Un des très gros morceaux, une grosse baffe dans la gueule, en effet, Niro. Mais il y en a d'autres, hein, on en prend pas mal. Hein. Non, franchement, c'est on en prend pas mal dans la gueule. En fait, il y en a un peu pour tout le monde, je te mens pas. Il y en a vraiment pour tout le monde. Vraiment, vraiment, vraiment pour tout le monde. J'ai essayé de faire tout ce que j'ai, mais voilà, après, t'as vu, ça peut ne pas plaire à certains, ça peut plaire à d'autres. Donc voilà, en tout cas, c'est ce que j'aime. Tant mieux, ouais, voilà. Et puis t'as vu, j'essaie de faire l'unanimité, voilà, c'est comme ça. C'est même pas que ça, c'est qu'en vrai, t'as vu, à un moment donné aussi, faut passer à autre chose, faut essayer d'innover son truc, parce que sinon, on tourne vite en rond et on disparaît, tout simplement. Donc voilà, j'essaie d'innover en même temps. Tu t'es fait plaisir. Ouais, voilà, après, en termes de discours, je te mens pas, c'est un peu toujours le même discours, parce que c'est vraiment mon moteur et c'est ce qui fait que je fais de la musique. Sinon, autrement, voilà, je commence à rapper ce que tout le monde rappe, les clubs, etc. Donc ça m'intéresse pas. Moi, je rappe la rue, je rappe ce qui nous regarde, je rappe pour les frères que ça concerne. Donc voilà, cet album, il est plein de vérité, il est plein de sincérité. Je l'ai fait avec le cœur comme tous les autres. Et voilà, ça bouge pas. Niro avec nous et du live maintenant, si tu veux bien, Niro. Ça, c'est un morceau que t'as balancé déjà, c'est pareil, un petit hors série, un petit. Ah, on passe au live. Ok, Balavoine, mon pote. Balavoine, il a traumatisé les gens, donc on va vous le faire en live ce soir sur Skyrock. Donc, Balavoine, ouais, ça je disais, c'est des petits morceaux comme ça que tu vas balancer régulièrement, que tu continues à balancer. Ouais, ouais, bien sûr, parce que ça fait plaisir aux gens. C'est en fait, j'ai pris un concept de. T'as vu, c'est comme l'échelle de Richter, mais dans les tornades, si tu vois le concept. Donc ça fait EF1, EF2 jusqu'à EF5. Donc voilà, là on a l'EF2, c'est Balavoine, l'EF3 il arrive bientôt. L'EF4, c'est une grosse surprise. Non, je peux pas te dire, Le 3 au moins, le 3. Le 3, franchement, je l'ai pas fini, j'ai envie de le faire. D'accord. Avec Koro, mais j'ai déjà le 4, il est avec une grosse personnalité du rap français que j'affectionne. C'est une grosse surprise, il sera pas sur l'album, mais c'est vraiment une grosse surprise, on va essayer de le mettre en vidéo. Et après, le F5, c'est la tornade suprême, et voilà. Donc c'est l'échelle en fait, oui, ça monte. Ouais, voilà, après t'as vu, on a d'autres clips qui arrivent, on a le clip de Ousbet qui arrive, je l'annonce là d'ailleurs en direct. Le clip de Ousbet tourné au Brésil dans la favela, il arrive, voilà, dans à peu près 2 semaines. 2 semaines au moment de la sortie. Ouais, dans les 2 semaines qui arrivent, il arrive. Donc, 6 voilà. Novembre, sortie de Si je me souviens de Niro. Ouais. Et si on est prêt, on peut attaquer Balavoine. On voit la sauce, mon sauce. Bello est dans la maison. Niro, le 6 novembre, mon ami. Ouais. 6 novembre, le 6 novembre, les gros. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Le 6 novembre, le 6 novembre, les gros. Ouais, gros. Le 6 novembre, le 6 novembre. Ouais. J'ai pris de l'élan pour mieux les sauter, laisse-moi prendre le volant. Je reviens deux fois plus violent, je suis bourré comme un jour de l'an. Toi, être malade, m'entonner dans cette merde, t'es un détonnant. Je trouve la paix comme isolant, j'oublie rien, même en picolant. Comme un garde-à-vue dans l'air et ta ville, je refais surface comme un cadavre, je peux te niquer ta vie. Le rap c'est un 3-5-7 dans un menu à 8000. Tu crois que tu nous intimides, t'as le flow d'un prof de chimie. Quand tu m'écoutes, on dirait que je suis à côté de toi dans ta turvoie. Parce que je suis rodé, je vois ce que tu vis et je vis ce que tu vois. Quand tout va mal, y'a son père, il vient de sucer quand tout va. Laisse-moi dans mon coin, va te branler sur tes feuilles ou vois. Un talent inné, je suis né avec, c'était destiné. Ils parlent de moi dans la matinée, je les graille au dîner. La rue reconnaissante envers mes signes avant de signer. Elle sait qui s'invente une vie qui représente sans faire de signe. Les mains tombent guettent à l'œil ton. Attends que je fasse un faux pas. J'attends pas le prochain feuilleton. Bientôt je m'arrache un copain. Crois pas que tu vas nettoyer tout ce que t'as fait de pire à l'eau chaude. Je veux pas de leur vie, de leur foyer, de leur loyer. J'aspire à autre chose. Mais le chemin gros s'effrayé. Rivaliser c'est trop tard. J'ai déjà tout plié. Crois-moi, poto, j'ai plus d'adversaires. Nous détruire, ils peuvent essayer. Je suis leur pire cauchemar. Même en étant éveillé, rêve tous de moi la putain de leur sueur. J'ai la valeur des penseurs. Toujours en bas d'ascenseur. Je passe sur W9. À l'heure des genoux, à l'heure des censures. Laisse tomber les suceries. Dans les polices d'industrie, ils parlent le langage du street, les rois de la fils de putri. Jamais ils veulent que je rappe comme à l'ancienne, que je reste à la traîne. Après ils diront que ça tourne en rond, que Niro n'existe plus. J'aimais pas trop l'autotune, mais finalement ça passe. Bon, si t'aimes pas, je m'en bats les couilles, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus. Ma trilogie méritait de faire minimum platine. Fier de nous, la mentale, vite gangsta, que des classiques. Le plus efficace dans le kickage, depuis Autopsie 4. Que du niquage de mer cette année même, je deviens radical. J'étouffe ma génération, demande à Mista Flosor. J'fabrique des cauchemars de rêve en cabine. Quand tu crois qu'on dort, faut que la fédération. Je leur fais mal au dos, ils peuvent pas me blairer comme Ronaldo, il faut galérer pour le ballon d'or. Tu veux percer en restant vrai, j'ai bien peur que tu te trompes. Fais de la merde tant que tu vends bien, tous ces rappeurs te suceront. Ils ont beau dire tout ce qu'ils veulent, dur de se barrer du route. Que des galères de fou, on dirait qu'on t'a fait du scroll. Père d'innovant, tu peux les trouer, trouler. D'ici pareil, c'est inoffensif comme un guerre au foulé. C'est ça l'envers et finovant, tu kifferais nous voir couler. Mon album sur le 6 novembre, mettez le volume et roulez. Le 6 novembre, les gros. Les mecs à la douane, je ferai rentrer tellement de recul. Mon équipe viendra me voir à poil. En maison, je suis le plus m'écrase. Ou c'est moi, pas tous à la fois. Je pense qu'ils veulent que je m'écrase comme le poteau bas à la voile. Je suis au courant de toutes les histoires, surtout pas celles dont on parle. Le bras tellement long de chez moi, je peux mettre du sel dans ton plat. Le bras tellement long de chez moi, je peux mettre du sel dans ton plat. Le bras tellement long de chez moi, je peux mettre du sel dans ton plat. Clique pas si tu kiffes pas. Mais dis pas qu'on mérite pas. Ouais, mais dis pas qu'on mérite pas. Clique pas si tu kiffes pas. Mais dis pas qu'on mérite pas. Mais dis pas qu'on mérite pas. Clique pas si tu kiffes pas. Mais dis pas qu'on mérite pas. Wesh un rocheton. Mais dis pas qu'on mérite pas. Un chico. Mais dis pas qu'on mérite pas. Mais dis pas qu'on mérite pas. Street lourd. Street lourd. Sinon bon. Bus Barnac dans la vie. Je me souviens. Bus Barnac est là. Bello est là. Le sinon bon. Mista Flo. Sushi. Teddy Corona. PHB. Ouais ouais ouais. Missax. Vous êtes un pas vrai. Le bloc on fait. Wesh un root boy mon ami. Ouais root boy. Niro, ce morceau, Gibson. Ce morceau, ce titre inédit, Balavoine. Balavoine, Balavoine, force à tous ceux qui m'envoient. Et celui-là, apparemment, il fait l'unanimité. Ah bah, je vois les messages, ouais, ça arrête pas de défiler. Hein. Ah ouais, frérot. Hein. Un monstre, les lives de Niro, c'est toujours un putain de truc. Continue à balancer Niro. Ben ouais, mon cousin, on vous a franchi ou pas, vous êtes pas au courant, Mister. Il y a plus de jus. Il tue tout, Niro. Qui a demandé s'il n'y avait plus de jus. D'un seul coup, t'es en train de parler. Ouais, d'un coup, t'es à la cité là. Là, t'es plus à Skyrock, t'es à la cité. T'es en train de parler, t'entends des phrases, il reste. Ouais, y'a plus de jus. S'il en reste un peu, regarde, tiens, Moscou. Yeah. Et on va saluer Mista Flo qui, pendant le morceau, est arrivé un petit peu avant. On est là, la famille, dédicace au 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5, 7-7, 7-8. 7-5, la famille. Et Abello, Orléans, retour. Yeah. Marseille, Grenoble, Paris. Lyon, salam à Moha qui est au placard, force à toi mon frérot Moha, que Allah il vienne avec toi. Force à Chico qui est au placard, force à Tichakal qui est au placard, force à tous les frères en prison, force à tous les frères dehors qui charbonnent, on est là, ça bouge pas. Paix à vous tous qui m'envoyez des messages. paix à Fred de Sky qui a pris quelques kilos. Ah, mais putain, j'ai entendu ça. Ah ouais, frérot. Bon, promis, pour demain, je bouffe pas. On verra. On va t'emmener un petit régime parce que moi, je fais perdre des kilos aux gens. Attention. Mais oui, mais t'es très grand, toi. Les ingénieurs du son, demande-leur. Ils ont perdu des 10-15 kilos à froid. J'ai des témoins. Viens, ingénieur du son. Frère. Ah, viens, fais ingénieur du son pour Niro. Tu vas perdre 10 kilos. Avec Niro. Mais bien. Bon, bah, le prochain album. Inch'Allah. Prochain album. Allez, on y va. On ira en studio. Prochain album. Ouais, ouais. Bon, Niro, avant de se quitter, on met un dernier morceau. Bah, ouais, mon ami. Bah ouais, mon ami, continue à envoyer des messages. Inch'Allah, l'album il sort le 6 novembre. Allez le chercher si je me souviens. Comme d'habitude, ça bouge pas. Niro. Toujours avec ça, bah ouais, mon ami. Bah ouais, mon ami. Bah, laissez s'enflammer jusqu'à ce qu'on les arrose. Ouais, ouais. Moi, je fais au balancé aux apparences. Ceux qui parlent beaucoup n'ont jamais eu de parole. Ils aimeront pas des morts comme DJ Mehdi. J'ai mérité mes titres, plein de mérité. J'ai dit, c'est pas de la comédie. J'ai médité, mais quitté pour juger, critiquer mes idées, mes dits. J'ai débrisé mes vies, c'est lucide. Mes vies, j'aurais mieux fait d'éviter, d'éviter, d'éviter, de hit. Mais j'ai Soso, quitté, sale charlatan. Oh, on va te niquer, Soso. Ouais, c'est un louche, Greeny Hood est là, le 9 est là, le 1-0. La Réunion est là. Vapeur de quoi halluciner. La plupart des gens ont peur de tomber à la tine. 9, 7. J'ai fait lever à l'aube début de matinée. 4. J'arrive en cellule d'arrivée, bon à l'heure de dîner. Ouais. C'est baisé, je suis léger mais je veux peser. Proposez-moi des lever, j'ai des projets à déposer. J'ai creusé, à foncer entre moi et la relève. Mauvais élève, demande-moi pas tous les défauts. Ouais. Faut que faire la queue dans les. Zesso est là aussi, force à Zesso. Le 9-4, BLO, 45, Orléans. Fils d'ouvrier, ouais, ouais. Tu veux briller, ouais, ouais. Tu finiras à faire. Pierre Dumas, ouais. Sauf que moi demain on va t'oublier. Toi, tu baises sa mère. Ouais, ouais, rouge dit. Tu es baisé sa mère. Ouais, ouais. Tu veux rappeler tes héros, tous ces hommes. Elles veulent se pousser la merde, ils veulent tous se la mettre. Poto, crois pas qu'ils nous c'est la même. Je maîtrise le truc, j'ai tous les paramètres. Miro, t'es relou, faut pas qu'on te ramène. Partout vous allez vous foutre la merde. Ben ouais, mon ami. Ben ouais, mon ami. Ben ouais, mon ami. Ben ouais, mon ami. Ben ouais, mon ami. Hey, Gabi, avec tes gros cheveux, mon ami. Il est là aussi. Ben ouais, mon ami. Mon petit revto. Ouais, ouais. Fais-moi pas la bise quand je sors du placard. Je vais pas l'entrer la joue. Ouais, chasse à mu. Ça petit bâtard, c'est tard la nuit. Je remets tout au jour. Pour qu'on t'envoie des clubs des zéros. Autrement dit, des millions d'euros. Là, c'est de la fin ou de la gourmandise. Là, c'est normal. Le plus chaud de ma génération, vous le savez déjà. On pas besoin de parler. Et si on a tout compris dans la souffrance. Toujours discret. Les pénalties, les cornets. Et les coups francs. La jalousie les tue à tout ce qui meurt en souffrant. La jalousie les tue à tout ce qui meurt en souffrant. Ouais, ouais. Les ratailles se taillent. Y'a que les vrais qui restent. Tu me donnes du bip. Espèce de suspense. Si je te croise à la terre du mal. Tu l'es dans les prises de tête. J'ai jamais mis mon nez dans la houppette. Vous allez retrouver vos cailles. Le cooking de Guistin. Tout à fait. Depuis que j'ai sorti Vivo Street. Les salopes augmentent le prix. Tu veux réussir, ok, Psartec. T'as un gros cul, mais il te manque le hé. Salope, y'en a qui soutiennent que pas intérêt. Qui ouais, ouais, qui soutiennent que pas intérêt. Même vous savez. Ils veulent venir à tes soirées. Ouais, ouais. Ils te ramènent que dalle, que des plans foireux. Gros, qu'est-ce que tu veux. Je les ai vus venir depuis la couveuse. Ils veulent tous partager leur enfer. Mais ils gardent tous leur paradis pour eux. Chacun sa route, niquez vos mères. Les grands bonhommes pour les grandes victoires, salope. Les grandes salopes pour les grandes histoires, salope. Je pense à ceux qui sont pas en vie, et puis aux vrais qui nous ont mis pas. Sinon, bon, j'ai eu beau chanter, follow me, bas les couilles si tu nous suis pas. Zoulou, j'vais pas la frère la joue. J'ai atteint d'ennui, sale petit bâtard. C'est à la nuit, j'remets tout à jour mon compte en banque. Réclame des zéros. Autrement dit, des millions d'euros. Bello est là, des Long Beach. Pierre Ondogista. Bello est mon ami. Bello est mon ami. Bello est mon ami. Bello est mon ami. Bello est mon ami. Chacal, garde la force, frérot. Ne bouge pas d'entrée. Ouais, ouais, les bombes. Roulez. Bah ouais mon ami, à l'instant c'est extrait du projet de Niro si je me souviens. Ça énervé. Arrive le 6 novembre énervé. Eh frérot, d'abord avant qu'on se quitte, j'aimerais te présenter quelqu'un. Vas-y. Timad, viens frérot. Mais laisse-le se mettre. Frérot, Timad, un artiste de La Réunion, voilà, qui est dans le top 3 là-bas, qui arrache. À La Réunion. C'est un frérot, c'est la famille. Voilà, on a fait un titre avec lui là récemment. Et là, il vient nous rendre visite sur Paris. Il a une tournée ici en France. Donc voilà, Timad. Eh bien, bienvenue. Merci, c'est gentil. Timad. On peut te retrouver où alors? On peut cliquer où pour... Sur YouTube, sur Facebook, c'est Timad 440. Et voilà, sur YouTube. Et bah on ira cliquer, on ira suivre donc. Le morceau que t'as fait, il s'appelle Timat, et l'album que le morceau qu'on a fait pardon pour son album, il arrive très prochainement. On va essayer de le mettre en image là dans les deux semaines qui arrivent. Mais en tout cas, force à Timat, c'est un vrai artiste. Il est là-bas, il arrache la route. Moi j'étais avec lui, t'as vu, j'ai tourné avec lui dans La Réunion. C'est un mec qui tient le pavé là-bas. Donc force à Timat, il est venu, il est là sur Paname, on l'accueille comme il se doit. Voilà. Et bah, merci, ça fait plaisir. Et bah merci à toi en tout cas d'être là ce soir. Merci à Niro aussi pour cette soirée, à l'équipe de Stricto. Merci à toi Fred, et puis comme d'hab, hein, voilà, on est là, ça bouge pas. Hein. Et bah ça bouge pas, et juste avant de se quitter, de retrouver la radio libre de Difool, on fait tourner rapidement la roulette, c'est parti. Skyrock t'offre la révélation de l'année, Nekfeu. Quoi de neuf, c'est ce bon vieux feu. En concert près de chez toi. Virgile de Rennes, ça va bien? Ouais. Prêt à faire tourner la roulette, on y va mon pote, c'est parti. La roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... Et ben voilà, c'est fait, les places pour aller voir Nekfeu, la grosse tournée avec Skyrock, il y a deux places qui t'attendent. Et ben merci à toi, passe une bonne soirée. C'est toi aussi Fred. Salut Virgile, ciao, merci Moscou, merci Teddy Corona, merci Mista Flo et surtout merci à Niro. Voilà, je voulais faire une petite dédicace à mes enfants qui sont là, voilà, Yanis, Taïra, Mimi. Voilà, on va manger. Allez, c'est parti, c'est l'heure de dîner, c'est parti. Niro, demain? Ouais, frérot, attends, je disais bonjour à mes frères de Blois. J'ai vu que voilà, tu saluais Blois. Pierrot qui a sa marque de textile, des Long Beach, allez chercher, c'est du lourd. C'est mon frérot de BLO, c'est des amis d'enfance, ils sont venus, ils ont fait de la route pour moi, donc voilà, force à eux. Et on se retrouve demain. Ouais, Inch'Allah, 20h à pas louper. 20h, Inch'Allah, à RDV, à tous les charronnières qui nous écoutent, force à vous, dans toute la France, dans tous les ghettos de France. Merci à toi. Merci à toi, Niro. À demain, avec des kilos en moins. Viens avec une bouteille, avec des kilos en moins, une bouteille d'eau de préférence. Avec 10 plifs, tu vas fondre. Voilà. Je pense que là, sinon, on va te kidnapper, on va te faire un régime particulier. Particulier, en l'espace de deux jours. Tu vas devenir comme moi. Je pense que ça peut le faire. Je vais devenir long et tout feu. Ouais, long et tout feu. Loin et tout fin, t'inquiète pas, on passe partout, ça bouge pas. Merci à toi, Niro, à demain. Tous ceux qui nous écoutent et qui nous envoient des messages le 6 novembre. Allez, on compte Difool, c'est parti. Salam alaikum, salam à Difool. C'est parti, on y va, coup d'envoi. La radio libre de Difool. On va le niquer, Difool. Attends, j'ai deux secondes, on joue avec Alexis. Alors, qu'est-ce qui se passe? Petit problème de connexion. Difool, on va te niquer, nous. Petit problème de connexion, peut-être, avec le studio de Difool. On va essayer de. Ah voilà, merci pour le téléphone. Je rappelle aussi, on va en profiter aussi que le téléphone, avant de retrouver la radio libre de Difool, a priori, on a un petit problème de connexion. Mais pour rejoindre l'équipe de Niro dès demain par téléphone, juste avant 20h, c'est le 06 71 74 94 15. C'est la ligne directe pour Jean Niro. 06 71 74 94 15. On y va, c'est bon? Allez, coup d'envoi. Ciao, ciao, à demain. Et ouais, Fredo, ça y est, c'est parti. Radio Libre Fred, demain, rendez-vous avec Niro, 20h, 21h pour le Planète Rap. Ouais. Et nous, rendez-vous dans un instant. C'est parti pour une grosse, grosse semaine. Et attention, ça commence, on est lundi. Ah oui, qu'on va démarrer très fort ensemble. Ne bougez pas, restez là. C'est dans un instant sur Sky.